suis Dickaël, t'es docker à Rouen ? Je suis docker à Rouen, je suis secrétaire général adjoint de la CGT et des dockers de Rouen. Et les dockers, quand il y a des grèves à Rouen, quand il y a des manifs, ils sont là en force. On est toujours là en force. Et ils savent bloquer les choses. Et on arrive des fois à bloquer les choses. Et en général, on bloque les choses même. Même en solidarité, je me souviens l'année dernière avec l'hôpital du Rouvray, en psychiatrie, qui n'a pas grand chose à voir, il y a eu des actions de solidarité et tout ça. On est là aussi, il ne faut pas oublier qu'on est une grande fédération, la fédération des ports et docks. La chose forte qu'on a, c'est que quand on décide que les ports s'arrêtent, les ports en France s'arrêtent. Et là, les riches découvrent qu'en fait, il y a des gens qui font fonctionner les choses. Exactement. Et comme on sait tous, hein, l'État a des contrats internationaux qui vient beaucoup par les maires. Donc, ça les embête quand même fortement. Et c'est l'une des forces qu'on a. C'est-à-dire que tant qu'on tient notre force à bloquer l'économie, on bloquera l'économie. Si l'État est en face de nous, on sera toujours contre eux. Et là, la manif de Rouen, là, il y a l'air d'avoir beaucoup, beaucoup de détermination. Oui, beaucoup. Et justement, là, on a appelé les services police pour savoir à combien on était aujourd'hui. Et ils nous ont annoncé qu'on était exactement un petit peu plus que le 5 décembre. Si même la police le reconnaît, alors c'est que ça va. C'est que ça va. En général, c'est pas toujours le cas. C'est clair. Tu veux parler de la manif d'aujourd'hui, précisément, de la lutte contre la réforme des retraites ? Ah bah, en parler, je crois que justement, il y a tellement de choses de dites qu'on va pas en rajouter. Okay. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'en veut pas. Et on fera tout pour que ça passera pas. D'abord, on voit bien, l'État, là, en ce moment, ils sont un peu en faiblesse. Il y en a qui démissionnent encore, ouais. Comme vous le savez, comme tout le monde le sait. Donc, il y a quand même quelque chose de malsain là-dedans. On est arrivé à 16 ministres qui démissionnent depuis le début du gouvernement de M. Macron. Donc on sait toujours que quand ça ne va pas en haut, ça ne va pas en bas. Et il y a un gros malaise dans le gouvernement qui nous guide aujourd'hui, qui essaye de faire passer des choses en force, toujours par leur propre intérêt. Et je crois que le peuple va commencer à comprendre, parce qu'ils ont été embêtés déjà depuis un an avec les gilets jaunes, la convergence commence à se faire. Et il va arriver un moment, il va falloir qu'ils se remettent tous en question, je pense. Démission générale ? Démission générale, c'est pas trop notre discours à nous, parce que de toute façon, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, je crois qu'on peut regarder dans le passé. Est-ce qu'on a connu un président qui a démissionné ? Il y a belle date, hein. Donc non, nous on n'est pas sur ce discours-là, même si au fond de nous, on n'en veut plus, on n'en veut pas. Mais on est plus à dire, ne change rien, ou si on change les choses, on le change ensemble et on change bien. Ok. Merci, bonne manif. Ça a été. Merci.